Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Maxime Lemieux-Arabé vient nous parler de nouveautés musicales dans son blog Télécharge quoi? Et notre correspondant Roman Villois nous sort quelques vieux hits des Boulamites. Assemblage requis, tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Bonjour Mathieu Plante. Salut Kiwan, que tu veux jamais dire que ton nom est... Mais t'es chic aujourd'hui, t'as l'air chic. T'as ajusté ton col et tout, tout est droit. Je me suis lavé aussi, c'est pour ça que t'as l'impression de... C'est rare un peu, hein? Oui, oui. Eh voilà, je me suis pas rasé par contre. J'ai pas été jusque-là pour la journée de la femme quand même. Je me suis mis beau, je me suis mis propre pour la femme aujourd'hui. T'es pas mis métrosexuel. Non, c'est ça. Non. Quand même pas, non. C'est vrai, on va célébrer un peu la journée de la femme aujourd'hui, à notre propre façon, hein, parce qu'on veut pas tomber dans les clichés ou les choses que tout le monde fait, là. Ouais, c'est ça, parce qu'en même temps, sans remettre en doute l'existence de la journée de la femme, qui a tout à fait raison d'exister, quand même, on trouve que ça pourrait être, on pourrait accorder plus d'importance à la femme tout le temps, plutôt que de dédier sur une seule journée. Mais ça, à chaque fois qu'il y a une journée de quelque chose, moi, je dis toujours la même chose. C'est pourquoi? Pourquoi ne pas en parler toute l'année plutôt que seulement une journée? Exactement. Il y en a qui ont des mois, mais les femmes ont seulement une journée. Ouais, c'est pas ça. Assez. Comme la fraude a un mois. Hein? On rappelle qu'on est dans le mois toujours, on est au mois de mars, donc on est toujours dans le mois de la prévention de la fraude. On va en parler ça aussi. On va se donner des conseils pour éviter les fraudes tantôt. Voilà, donc, mais quand même, étant donné qu'on est quand même dans la journée de la femme aujourd'hui, on a préparé un petit bloc pour commencer l'émission comme ça. Ouais, tout à fait. On va entendre, entre autres, les filles de Comme un homme libre. Oui, on va aussi entendre le groupe de filles de Camionnette. Le groupe Camionnette, on a essayé hein, de sortir des groupes puis des pièces qui n'ont pas déjà été entendues mille fois aujourd'hui. Il n'y a pas de cœur de pirate aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. On a essayé de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, le troisième artiste qu'on va entendre dans ce bloc-là, eh bien, c'est Ma Tante Frac. Tellement approprié. Pour la journée de la femme, effectivement. Vraiment. Une fille qu'on pourrait dire, c'est rare qu'on puisse dire ça, une fille virile, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une fille velue. On l'aime bien. On commence avec Camionnette, un groupe qu'on aime beaucoup ici, qu'on fait tourner régulièrement depuis la sortie de l'album il y a tellement longtemps, en 2007. Leur album s'appelle Jouer dans les airs. Et on va entendre Moyen. Écoute, la pièce Moyen de Camionnette à assemblage requis. Ben oui. Une fille virile, ça. C'est pas Tomboy. Non, c'est plus que Tomboy. Combien de temps je vais pouvoir Shut up. La séduisante Ma Tante Frac avec Chicks a tourné, un vieux classique des palmarès, c'est fou. Vous êtes à Assemblage Rocky. Oui, et c'était notre bloc hommage aux femmes aujourd'hui pour la journée de la femme. Ouais, c'est peut-être pas représentatif de la journée d'aujourd'hui pour la plupart des gens. Ben, c'est différent, là. C'est une vision alternative de la journée de la femme. Et voilà. Dans le bloc, on a aussi entendu Comme un homme libre et Camionnette. Voilà, dans une dizaine de minutes environ, on va recevoir Maxime, le mule à ramer, qui va venir faire sa chronique Télécharge quoi, comme tous les lundis. Et aujourd'hui, il va nous parler des groupes. Oui, il va nous parler de Plants and Animals. Plants and Animals. De JJ. JJ. Et de Carano and the Kids. Carano and the Ça, Kids. Ça, c'est la fille qui a fait la trame sonore du film Where the Wild Things Are. Uh-huh. Où les choses sauvages qu'elles sont là, là. Voilà. C'est ça, là. Donc ça, c'est dans une dizaine de minutes environ. Et puis, on l'avait pas dit, on l'avait pas spécifié trop au début de l'émission, mais aussi vers le début de la deuxième heure. Donc, dans une heure environ, on va recevoir l'appel de notre correspondant Romain Villois, Alexandre Delage, qui va nous parler aujourd'hui de deux groupes québécois des années 90 que tu reconnaîtras peut-être. Moi, en tout cas, ça a fait partie de mon adolescence. Chumbawamba. Presque enfance, mais... Non, québécois, les groupes québécois, c'est Redcore et Les Mauvais Quarts d'Heure. Ah! C'était une émission à Vrac TV aussi, ça, Mauvais Quarts d'Heure, je pense. C'était effectivement un mauvais quart d'heure. C'était pas très bon. Ça durait plus que 15 minutes en plus. Ouais, c'est ça. C'est comme aucun sens. Hein. Bon. Sinon, à part Maxime et notre lutin préféré, on va aussi parler de plein d'autres choses. On va parler de musique de talk show tantôt. Et on va parler. On va aussi avoir un concours pour vous. Mm-hmm. Ah, parce que nous, on en fait beaucoup les concours de ces temps-ci. Là, on est rendu vraiment une radio à concours quasiment. Hein. Ouais. On pourrait le mousser un petit peu plus que juste ça. Là. On pourrait dire que vous allez gagner de la nourriture. Ouais, c'est 50$, c'est ça? C'est IGA. 50$ de certificat cadeau à donner au cours de l'émission, donc ratez pas ça. Pour l'instant, en attendant l'arrivée de Maxime, on va aller écouter un petit bloc palmarès. Il va avoir du Los Campesinos avec Romance is Boring, mais on commence tout de suite avec Waving End et la pièce Bonne nuit mon cœur à Assemblage Rocky. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Bonne nuit mon cœur, I can touch your whispering voice while you walk up. c'est pas mal écolo. Je te trouve pas mal écolo, Maxime. Merci. J'entends rien, mais merci. Ça change-tu quelque chose dans ce qu'on est en train de dire? Non. Non. Mais il sait pas, il entend pas ce qu'on est en train de dire. Tu comprends pas, là. Tu bon. M'écœures tout le temps en onde. Ben oui, mais là, tu me dis que t'entends rien, ça change rien. On se parle, là. OK, OK, excuse. On se parle. On jase. Mathieu, pèse donc sur le piton. Tu pèses sur le piton. T'as peint dessus? T'as peint? Tu l'as pogné? C'est une référence de TV, là. Okay. Il entend pas la musique. Je vais faire comme tu une l'entends, description. Tu l'entends? Comment ça? Des écouteurs à Keywone. Ouais, c'est ça. Je vais faire, tu sais, à la télé, là, aux États-Unis, je pense pas que ça se passe au Québec, mais les Simpsons, ouais. Il y a une description auditive parlée des Simpsons, donc ça décrit l'action. Genre, c'est des personnages, ben, mettons, entre deux phrases, quand il y a un petit silence, ben là, il y a un narrateur qui va dire, genre, Homer regarde Apu, mettons, tu sais. Ah, ouais. Ou genre, traverse la. Tu sais, les actions importantes, là, qui sont okay. pas, qui sont visuelles, dans le fond, ils les décrivent, c'est cool. Ah, c'est ça, parce que souvent, j'écoute des films en anglais, puis je mets quand même les sous-titres pour être sûr de rien manquer. Uh-huh. Puis des fois, c'est pour, bon, les personnes qui entendent pas bien. Alors, tu sais, il y a des petits, genre, bon, la musique commence, mm-hmm. tu sais, exemple. Ouais. Il n'y a pas justement cette description-là de... Pourquoi qu'il y a cette description-là? Pour les aveugles qui écoutent? Pour les aveugles. C'est wow. Ça. Pour les gens qui entendent mais qui ne voient pas. Ah, ben et qui manqueraient l'action. C'est cool. Alors, c'est ça, journée de la Terre aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de parler de Plants and Animals. Oui, disons donc, t'es qui pour commencer, pour les gens qui t'écoutent pas toutes les semaines, mettons? Maxime Lemularamé dans la chronique Télécharge quoi sur ses découvertes musicales de la semaine. Hein? Oui, c'est ça. À chaque semaine, je suggère trois artistes à découvrir. Et cette semaine, je reparle encore une fois de Plants and Animals. Ben, vous savez, les gars, j'ai vraiment hâte que le prochain album sorte. Mm-hmm. Et puis, sur MySpace, il y a un nouvel extrait de ce futur album qui sort le 20 avril, La La Land. Et puis, c'est ça, le trio de Montréal va sortir un deuxième album long. Et puis, la pièce s'appelle The Mama Papa. Il y a un vidéoclip aussi qu'on peut voir sur MySpace. Mm-hmm. C'est super. Donc, il y avait déjà la pièce Tom Cruise qui était là depuis quelques semaines, un bon bout de temps. Donc, deuxième pièce disponible de l'album La La Land. Vous écoutez toujours Télécharge quoi? Sur C'est fou dans l'assemblage requis. Yes! Done it. savais pas c'était qui, Pierre-Carl Péladeau, pour vrai. Non, ni wow. Régis Labombe. Et ben, voir Régis Labombe, ça peut quasiment aller. Ouais. Okay. Mais le pire, c'est que c'était comme... Oui, Pierre-Carl Péladeau, le chum de la fille du banquier. Genre. C'était ça sa référence, c'est encore pire. Malade. Alors, on vient d'entendre la pièce de Mama Papa de Plants and Animals. Nouvel album, le 20 avril, La La Land. Ça va sûrement mettre la main là-dessus un peu avant le 20 avril, j'imagine. Ouais, j'ai hâte. J'ai quand même hâte. Ben, il y a d'autres. J'ai hâte à d'autres choses aussi, là. Je veux dire, c'est pas. Le 20 avril n'est pas noté dans mon calendrier, là, mais c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Prochain choix. Carano. Ouais, Carano. C'est ça, dans le fond, tu l'as bien dit tantôt, Carano, c'est la fille qui a écrit, qui a composé la bande sonore de Where the Wild Things Are. Mm-hmm. Sauf que c'est la, tu savais que c'était la chanteuse de Yeah Yeah Yeah. Yeah, yeah, okay, ben, tu oui, savais ben, tout oui. ça, excuse-moi. C'est les seules affaires que je savais. Ok. Ouais, ben, c'est ça, moi j'ai vu Where the Wild Things Are. Ça faisait longtemps que je voulais le voir, mais bon, c'est sûr que c'est dur à Trois-Rivières de voir les versions originales au cinéma. Alors j'ai attendu qu'ils sortent en DVD. Puis je pense que je l'ai écouté bon, la semaine dernière. C'est un film de Spike Jonze. Je sais pas si vous connaissez un peu Spike Jonze, les gars. C'est de nom. Le réalisateur de Being John Malkovich et de Adaptation. Oh. Il a fait aussi des vidéoclips. Il a fait le vidéoclip de Daft Punk, The Funk. C'est super bon, ça. Ouais. Avec le chien. Puis il y a aussi un autre clip de Chemical Brothers. La pièce, ça s'appelle Electro Bank. Puis c'est comme une gymnaste qui fait sa chorégraphie au tapis sur la pièce de Chemical Brothers. Mais tu sais, d'habitude, c'est du classique. Là, mm-hmm. Puis là, c'est du gros électro-dance. Fait la musique qui déchire, comme ils disent. Ouais. Alors, j'ai vraiment aimé la bande sonore. J'ai vraiment aimé le film. Alors, je me suis dit, je vais en parler à Télécharge quoi. On va écouter la pièce All Is Love. Alors, c'est ça, c'est Karen O and the Kids. Bande sonore du film Where the Wild Things Are. Dans le bloc Télécharge quoi d'assemblage requis avec Maxime Lemieux Larrabé. Exactement. Max, the best... The paddle. The paddle, the paddle. The paddle. The paddle. Ce que j'aime vraiment, c'est que la même actrice peut gagner un Razzie pour pire actrice et l'Oscar pour meilleure actrice. Razzie? C'est le prix pour les pires films, là, tu sais. Okay. Les pires acteurs. Et Razzie Awards, c'est... De qui tu parles, Sandra Bullock? C'est ça, oui, exact. Okay. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Ça dépend du style de film que tu fais. Ça. Ouais, mais ça doit être une grosse, grosse business, là, le casting, et puis engager une actrice ou un acteur pour tel rôle ou tel... En tout cas, je te suggère, par rapport à ça, je te suggère la télésérie Entourage. Ah oui, hein, tu m'en parles beaucoup. Ça, il y a The Hurt Locker. Ouais, Hurt Locker, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Tu t'as donné envie de jouer à Solitaire et des mineurs. Non, être un vrai des mineurs. J'ai failli m'enrôler après le film. Ah oui, des forces canadiennes et tout. Là. Ouais, mais là, après ça, il y avait de quoi de bon à TV, puis j'avais faim. Changement de plan. Mais ça, le Grey Trees à la place. Ouais. Fait que la pièce qu'on a entendue il y a à peu près quasiment une minute, c'était All Is Love de Karen O and the Kids, de la bande sonore Where the Wild Things Are, un film de Spike Jonze que je conseille aussi. C'est le film que vous avez peut-être vu les extraits avec des gros monstres, ouais, velus. Ouais, des genres de grosses mascottes un peu. Ça. Vraiment bon. Alors, dernier artiste que je désire faire découvrir, c'est JJ, groupe suédois, qui sort un deuxième album studio demain. 9 mars demain. Et puis, il y a un extrait de cet album-là sur Internet. Un peu difficile à trouver. JJ, c'est Gigi. C'est hein? Alors, c'est... Vous rentrez tapez, dans un... tapez Gigi Band. Ouais. Et de toute façon... Vous allez avoir un lien sur Wikipédia. Exact. Puis après ça, sur le site de Sincerely Yours, qui est leur étiquette de disque. Je pense qu'ils font aussi des produits d'hygiène corporelle. Hein? Ouais, ah, c'est ça. Johnson & Johnson. Une entreprise familiale. Ça, c'est une belle recherche sur Internet, Kiwan. Bravo. Alors, la pièce disponible sur Internet déjà, c'est Let Go. Et l'album JJ No. 3 va être dans les kiosques demain. Hein? Dans les bacs. Dans les bacs demain. On aime ça. C'est de la bombe! Ouais! Parle de ça, toi. Ça commence, tu de la harmonica, Bob Dylan. Ça va commencer. Arrête de parler. Okay. Tu fais Mathieu Plante de toi-même. J'ai fait un jeu de mots. Hein? J'ai pas fait de jeu de mots. Non. Tu prends ton temps, tu pars par-dessus les pièces que tu devrais pas. Hein? C'était JJ avec la pièce Let Go. qui va être sur le prochain album de JJ, JJ Number 3, qui sort demain. Qui est disponible demain. Ils sont en tournée présentement ou prochainement, les prochaines semaines, tournée nord-américaine avec DXX. Oui, ben c'est ça. En fait, j'ai essayé de voir l'information parce que je sais que DXX, au mois d'avril, vont être au National à Montréal. Mais j'ai pas vu si JJ allait être là. J'ai pas eu de confirmation ni sur le site du Métropole, du National, ni sur... Puis il n'y a pas énormément d'informations sur le band JJ, de JJ ouais, non c'est plus. Difficile, donc. C'est difficile. Mm. Ben, c'est ce qui les rend... si qui est charmant. C'est ça, un peu comme JCJ, chose aux Olympiques. Anderson? JZJ, sérieux. Jay-Z. Oui. JZJ. Oui, oui. Il savait-tu c'était qui Régis Labombe, lui, au moins? Je sais pas. Je trouve ça triste que... C'est un peu... ouais. Elle a un passe-temps et puis c'est tout ce qu'elle fait, peut-être. Ouais. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'elle les a vus, les films de Spike Jones. Non, je pense pas. Sur ce, merci beaucoup, Maxime Lemieux-Laramé. Toujours aussi là. C'est ça, t'es présent, en tout cas. Je suis tout le temps là. Tu viens à l'émission. Yes. Et c'est ça l'important. Ouais. À la semaine prochaine. Ah, wow. J'ai pas demandé si on voulait faire quelque chose d'inconfortable cette semaine. Il l'a juste fait par lui-même, ça. Ben, c'est un peu omniprésent ici, les inconforts. Hein. Ouais. Mais des fois, c'est un privilège d'avoir un moment inconfortable avec nous. Si les gens veulent ça. On sait ce que les gens veulent, nous autres. Mm. Ouais. Fait qu'on va en pub, puis on revient après. Ça te va-tu? À date, ça te va? Ça va? Correct? Ok, correct. Okay. Rassemble un qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. We'll be right back. The Almost avec la pièce Monster Monster. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Oui, maintenant Kiwan a une question à me demander. Est-ce qu'il paraît, c'est ce qu'il m'a dit? Oui, c'est ça. J'avais une petite devinette pour toi, Mathieu. Une devinette, c'est encore mieux qu'une question. Qu'est-ce qui comprend un divorce, une préparation à un mariage, une transplantation cardiaque, un suicide et quelqu'un qui refuse d'aller à des funérailles? C'est beaucoup d'événements majeurs dans une vie, là. C'est beaucoup. Dans une vie au complet, ça aurait été beaucoup. Mais là, tu parles de quelque chose dans un même emballage, une même, moi, je dirais une saison complète, un coffret DVD de la vie en Mauricie. Ça aurait pu être ça. J'imagine qu'on retrouve autant d'action dans ça. Mais non, en fait, c'est une seule émission de Top Model. Top Model. Ouais. Ah. Je pense que c'est proche, hein. Quand même beaucoup d'événements dramatiques dans une émission de Top Model. On l'écoute pas assez. Non. Les deux sont à TVA. Oui, c'est vrai. Ah, et les deux mettent en vedette Martin Levrault. Non. Non. Pas vrai, ça. Non, même pas la voix de Martin Levrault. C'est peut-être lui qui fait l'annonceur du. Ouais. Je sais pas. OK, ben merci pour. Ouais. Plaisir. Bien. Toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Tout à l'heure, on va parler des talk shows américains et des invités qui vont performer dans ces talk shows-là. Hein, parce qu'il y a une rumeur qui dirait, là, présentement, qu'au Québec, il n'y en a pas vraiment des talk shows de fin de soirée. Il n'y en a pas bien. Hein. Mais ça se pourrait qu'il y en ait un à Radio-Canada. Produit ici au Québec. Produit ici au Québec, ouais. Mais Radio-Canada veut en faire un. Ah ouais? C'est leur plan. Mais je sais pas, il n'y en a vraiment pas, là, présentement, il n'y en a aucun, non? De fin de soirée, non. Il y a des émissions hebdomadaires. Ouais, c'est ça, c'est des quotidiennes qu'il n'y a pas. C'est ça. Des grosses émissions que le monde veut écouter. Il n'y en a plus. Donc, on en parlera tantôt parce que c'est tout ce qu'on a à suivre des talk shows américains ici. En même temps, tu sais, quand il y a des émissions de fin de soirée au Québec, ceux qu'il y a eu dans le passé, ils sont quoi, sur l'heure à 9h30? C'est ça, ouais. Ou sinon, c'est José Lito Michaud qui l'anime. Pas du tout dans la même case horaire que la plupart des émissions de fin de soirée. C'est ce qui me surprend. Les talk shows sont à 23h35. Ils commencent à cette heure-là, à 11h30, les talk shows américains. Puis c'est des talk shows, ben. Pour Jay Leno, de ma tante, mon oncle. Ça commence à 11h30 puis c'est écouté. Là, les talk shows de jeunes sont plus à minuit et demi. En tout cas, on n'a pas les mêmes traditions, je pense, au Québec. Non, vraiment pas. Non. Le plus tard qu'on peut les mettre, c'est genre à 11h, 10h30 peut-être. Même là, je pense qu'il n'y a jamais eu là, d'émission de fin de soirée, des quotidiennes au Québec, produites ici au Québec, qui commençaient si tard que ça. C'est de 10 à 11, peut-être, le plus tard, genre... Je sais pas. Marc Labrèche, Chaussournois, là. Les nouvelles, t'es à 10h quand même, non? Ah ouais, c'est vrai. T'es à 10h30? Je sais pas. Ça doit. J'imagine. Faudrait un historien de télé québécoise. Ouais. On appellera Pierre-Carl Péladeau. On appellera la fille olympique, là. Faut demander son numéro. On y va avec un petit peu de Monogrenade. Oui. Avec la pièce 4 septembre 2008, 8h14 AM. Genre, on écoute pas écrit comme ça. Même. Non, c'est écrit en chiffres seulement. Ouais. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Animerais-tu une émission quotidienne en fin de soirée, toi? Avec moi? Oui, avec toi. Oh. Bon. We'll be right back. times like I had. Oh, oh. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Big Horn et Scarlett Johansson avec la pièce Shampoo. Oui, c'est pas la pièce qui est sur le palmarès présentement, mais il y a quand même une pièce de Pete Yorn et Scarlett Johansson sur le palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. Oui, c'est Clean. Et celle-là, c'était Shampoo qui était sur le palmarès avant Clean. Donc, dans l'ordre, ça fait Shampoo et Clean. Donc, tu te shampoines et tu te nettoies après. Wow, c'est propre aujourd'hui. Oui, ça va être comme sur un cheval. Est-ce que t'as vu la pub de Old Spice avec le... Non. Ah, il faut que je te montre ça, par exemple. On en reparlera tantôt. C'est bon, on se laisse, là. On se laisse. Mais pas de pub de cheval, par exemple. Non, puis de l'autre côté, dans quelques minutes, on reçoit, entre autres, Alexandre Delage. Oh, notre correspondant de Romainville-Loire. Oui. Merci, là. C'est fou de... Au char! 89-1-1-1. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission qui se soulève à au moins deux personnes. C'est du travail d'équipe, tout ça. Tout en pliant les genoux, évidemment. Évidemment. Et après ça, un petit peu de Robax à gel, truc de... Tu te mets ça sur les... Puis tu... après ça, parce que quand t'as mal, tu... Je connais pas les mots. Ouais, les médicaments, ouais. Là. Ouais, c'est ça. Faudrait essayer d'intégrer un commanditaire pour ça. C'est pas pire, un commanditaire de gel pour les genoux ou une autre partie du corps, pour le haut du dos. Quelqu'un qui pourrait nous masser le genou. Ouais, aussi, hein. Mais c'est pas ça qu'on va faire tirer tantôt. Ce qu'on va faire tirer, c'est de l'épicerie pour votre viande et votre ventre. Oui, la viande pour votre ventre. Oui. 50$ d'épicerie à vous donner. Ça, c'est tantôt. Restez là, on vous donne ça dans pas très longtemps. Mais avant ça, tantôt, justement, à la fin de la première heure, on parlait de publicité de Old Spice, que moi, je trouve que c'est la meilleure publicité au monde de jamais avoir été faite. Là, ouais, tu peux pas faire mieux. Je comprenais pas trop de quoi tu parlais tantôt. Mais là, moi, je la vois pas de son présentement. Ah, ben, avec le son, c'est meilleur parce que le gars, il est drôle en tant que tel. Sa livraison d'acteur est parfaite. Le gars, c'est un ancien joueur de football. J'ai vu une entrevue avec les créateurs de publicité pour Old Spice. C'est une pub qui date du Super Bowl. Et puis, dans le fond, on pourrait la décrire un peu quand même, hein? Pourquoi pas? Ça ouvre sur un gars qui est en train de prendre sa douche, il y a une serviette autour de sa taille, il est devant sa douche, la douche qui fonctionne et tout ça. Fait que là, il a la main derrière le dos. Fait que là, il parle aux filles, il leur dit, imaginez, regardez votre mari, regardez-moi, regardez votre mari, regardez-moi. Puis, tu sais, pour faire la comparaison de comment que ton mari est poche comparé au gars que tu vois dans la pub, tu sais. Fait que là, ben, il sort sa bouteille de Old Spice After Hours, soudainement, une chemise lui tombe sur la tête, sa serviette s'enlève, là, il est sur un bateau. Il est plus dans la douche, il est sur un bateau. Fait que là, ben, il montre un coquillage avec des billets pour un spectacle que t'aimes, ça se transforme en diamant. Et puis là, ben, dans les diamants, sort une bouteille de Old Spice. Et puis là, le gars marche, puis là, ben, finalement, oh! Ben, il y a un petit punch, il est sur un cheval, tu sais. Et tout ça se passe en une seule prise. Ben, pas une seule prise, une seule prise continue de caméra. T'as l'impression que c'est une seule prise de caméra. Donc, la façon que t'as expliqué dans l'entrevue, c'est, je vais mettre le lien vers la publicité, évidemment, sur assemblagerequis.com. Mais les créateurs de la publicité disaient que, bon, ils ont fait des tonnes de prises pendant, je crois que c'était 2 jours et demi. Et puis, il n'y a presque pas de création par ordinateur, de graphisme par ordinateur dans cette pub-là. La seule affaire qui est faite par ordinateur, c'est quand la bouteille sort de la main du gars, évidemment. Mais le reste, c'est vraiment tout ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ce qui a été filmé à peut-être la prise 152, là, mais tu sais, quand même, c'est un seul plan continu. Et même quand il arrive sur le cheval, c'est que dans la prise d'avant, là, je vous porterez attention en regardant la pub, mais on le voit que quand il ouvre le coquillage, dans le fond, le gars est en train de s'asseoir sur un genre de petit véhicule de transport qui va être amené jusqu'au cheval. Donc, le cheval est là depuis le début, tu sais. Et puis, la douche a été construite sur un plateau et là, est levée par des poulies ou quelque chose du genre. Donc, la douche est vraiment là, levée dans les airs. Puis là, il est sur un bateau qui n'est pas un vrai bateau, qui est un plateau de bateau sur une vraie plage. C'est fucké bien raide comme annonce, je l'adore. Ben, j'avoue que Une fois que tu analyses vraiment toute la façon dont il a été fait, puis une fois en plus qu'on sait que ça a été fait, ça a été pris en une seule prise, c'est sûr que c'est impressionnant, mais sinon, là, moi, je trouve pas qu'elle est si bonne à peu près. Non, OK. Mais j'avoue que ça a l'air d'être toute qu'une prouesse technique de l'avoir réalisé, surtout si tu me dis là, que. En me disant comment elle a été réalisée, là, puis là, je la regarde en boucle là, depuis tantôt. Puis, ouais, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est sûr que, ouais, sinon, en tant que tel, ce qui se passe a juste l'air de passer vite. Puis quand tu te dis, là, c'est par ordinateur, mettons, si tu penses que ça doit être par ordinateur, c'est pas très impressionnant. Ouais, c'est ça. Il y a une version de 15-20 secondes aussi que vous pouvez trouver sur YouTube où c'est juste le gars qui est sur un cheval à l'envers. T'sais. En tout cas, vous irez voir les deux liens, je vais les mettre sur assemblagerequis.com et puis je mettrai le lien vers l'entrevue pour ceux que ça intéresse, où ils montrent scène par scène comment ils ont fait. Donc voilà, on continue Assemblage Requis sur quelque chose d'un petit peu plus musical, je dirais. Comme quoi, comme de la musique, par exemple? De la musique, c'est particulièrement musical, je te dirais. Effectivement, donc on va aller écouter un extrait du palmarès anglophone. C'est le groupe Yes Ayer avec la pièce Ambling Alp à Assemblage Requis. Et après ça, on vous donne de la viande et d'autres affaires à l'épicerie, là. Restez là. Nobody else.

ses charmes tombe à la main. À gauche, le soupir, la chair et les plaisirs de la facilité. Et bouche, elle respire, le calme pour sortir de la réalité. Rien de son désir de se réaliser. Achevé par l'histoire, Myriam dans le noir, Myriam pour un soir, achevé sans effort, Myriam et la mort, Myriam pour son corps, regarder l'autre recevoir, goûter au-dessous du miroir, exister sans vraiment y croire, après il est toujours trop tard. C'était le bloc sorti des boulamites avec notre ami Alexandre. Et on vous rappelle que si vous avez des bons exemples de One Hit Wonder, des pièces qui ont eu un seul succès, des groupes qui ont eu un seul succès, qui datent, là, comme Alex disait tantôt, d'une couple d'années, là, pas trop récent, ben vous pouvez lui envoyer ça, soit en passant par le site de l'émission ici, www.assemblagerequis.com. C'est super simple, bien facile à trouver, il y a un bouton contact juste en haut sur assemblagerequis.com. Et on va retrouver Alex dans deux semaines. Oui, une fois par deux semaines, tout le temps. C'est pour ça que c'est des fois, on perd l'habitude parce qu'il n'est pas là chaque semaine, puis là, on s'en rappelle plus, mais c'est vrai pareil, lundi, dans deux semaines. Maintenant, c'est le moment de notre concours fabuleux. Oui, très beau concours pour vous faire gagner 50$ d'épicerie. C'est un très beau cadeau, ça, je trouve. Tout à fait, chez les épiceries IGA. Dans le fond, la façon que ça va se passer, c'est que je vais vous poser une superbe question, une question piège. Mais en fait, pas piège, une question vraie ou faux. Elle n'est pas si difficile que ça, là. Faut juste réfléchir un petit peu. Je vous la pose tout de suite en ondes et vous allez nous téléphoner au 819-376-5183. Vous allez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis, on reviendra avec la réponse après la pièce musicale. Vas-y. D'accord. Avec la question, Mathieu. Donc, voici la question trivia. Question trivia de notre jeu questionnaire pour gagner 50$ d'épicerie. Sur chaque étiquette d'emballage de bœuf, on retrouve le nom de la coupe accompagné du mode de cuisson approprié, ce qui nous renseigne bien sur le produit. Donc là, le mot à souligner, c'est accompagné. Donc, je répète la question. Sur chaque étiquette d'emballage de bœuf, on retrouve le nom de la coupe accompagné du mode de cuisson approprié, ce qui nous renseigne bien sur le produit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est là que vous devez nous téléphoner. Vous nous appelez tout de suite pour gagner 50$ d'épicerie chez IGA. Le numéro, c'est le 819-376-5183. Et nous, pendant ce temps-là, on va prendre quoi? On va prendre le deuxième appel, Mathieu? Ouais. Et pendant ce temps-là, on écoute une pièce de Highlands. Oui, Highlands, avec Disarming the Car Bomb. Sur C'est Fou 89.1 FM, c'est l'assemblage requis. Donc, on vient d'entendre Islands avec une pièce qui est sur le palmarès anglophone et on a un gagnant pour les 50$ d'épicerie IGA. Oui. Félicitations, Jessica. C'est mérité. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir, Mathieu, la réponse? Oh, c'est vrai, on avait une réponse à dire là-dessus. C'est bien trop vrai. Quel professionnalisme de ma part. Donc, la question était, sur chaque étiquette d'emballage de bœuf, on retrouve le nom de la coupe accompagnée du mode de cuisson approprié, ce qui nous renseigne bien sur le produit. La réponse, c'était vrai. Et un exemple serait roast beef de bout de côte pour pot au feu. Cette appellation vous indique la coupe, qui est le roast beef de bout de côte, et le mode de cuisson, qui est le pot au feu. Ce mode d'identification facilite le remplacement d'une coupe de bœuf par une autre. Vous ne trouvez pas de beefsteak de longe à griller, ben vous pouvez le remplacer par un beefsteak de faux filet à griller. Pour toute information dont vous avez besoin sur les modes de cuisson pour toutes les variétés de coupe de bœuf, visitez le site web boeufinfo.org pour télécharger ou commander gratuitement le nouveau livret de cuisson Bœuf 101. Et c'est grâce à eux que ce concours a lieu. Parfait. Alors, bravo encore à Jessica qui a gagné aujourd'hui les 50$ d'épicerie IGA. Et continuez à écouter C'est fou parce qu'il va en avoir un par jour pendant toute la semaine. Oui, dans les émissions quotidiennes de C'est dans fou. Dans les émissions quotidiennes. Donc, ce sera peut-être pas dans Assemblage requis les prochains jours. Donc, ça va être soit dans On s'appelle et on déjeune, le dîner de con ou Assemblage requis. Donc, il va en avoir à tous les jours de la semaine. C'est un peu comme dire aux gens, écoutez plus Assemblage requis, c'est fait le concours là. Mais non, il va en avoir d'autres dans Assemblage requis, je te le dis. Ah oui? De toute façon, il y a un million de raisons pour écouter Assemblage requis. C'est-tu notre... On devrait les lister. Un jour, on fera ça. On fera une émission spéciale là-dessus. Et tantôt, on va se parler un peu de ce qui se passe du côté des talk shows cette semaine. Des talk shows. Mais pour l'instant, on va aller écouter un peu de palmarès francophone. C'est Bernard Adamus avec la pièce Cauchemar de course. Sur C'est fou, 89 FM, la radio aux mille raisons, c'est ça? Millions. Millions. Millions. Ça ambitionne un peu. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mort, si gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit CNN. J'me dis, hey là, ils vont-tu me dire tout haut ce qui passe tout bas? Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait Dieu doux. Mais je check comme faux, pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis je me dis, hey là, se passe quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, toi, y'a les veines. Mandela suçait sa graine. Pis je me dis, hey là, passe quelque chose et cette mouche je m'en vais de là. Sans les 14 après les ordres, ça prend le blabla faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des gommes, shooter dans le tas. J'aboutis, j'toquais des brumes, moule bleu, haïti. c'est pas de la tarte. En haut du bar, je vois une pancarte. Fais de la place avant que tu partes. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. In December, drinking hot chowder, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch your crabs, a pinch at your sandals. Glasses at that aranciada with lips and teeth to ask how my day went. Boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten. Just to sit in sidewalks to walk out. Side Weekend et Ochata, Vampire Weekend qui était à Saturday Night Live samedi dernier. Je l'ai écouté, c'était vraiment bon. Ils ont joué les pièces Giving Up the Gun et Cousins. Remarquable pièce. Même que ma copine pensait que le gars faisait du lip sync. Tellement que sa voix est caractéristique. Tu dis, ça se peut pas qu'il chante de même pour vrai live. Je suis pas sûr. Moi, je pense pas que c'est du lip sync, mais peut-être. Il chante vraiment bien, le gars. Mm-hmm. Malade. Ce qui nous amène à parler des talk shows américains, hein. Pas ceux qui sont déjà passés, mais ceux qui s'en viennent cette semaine. Oui, exactement. On va commencer par ce soir, lundi. Je vous dirais que c'est pas la semaine la plus émerveillante côté invité, mais vous connaissez peut-être Ben Harper, qui va être à JNO ce soir à 23h35 sur NBC. Et puis Corinne Bailey-Ray va être à Jimmy Kimmel, ça c'est à 5:30 sur ABC. Mardi, Broken Bells. Est-ce que tu connais Broken Bells? Non. C'est avec James Mercer de The Shins et Danger Mouse et puis d'autres gens comme ça là-dedans. Voilà. Danger Mouse de Shins, c'est dans ce genre-là. Ça, c'est à David Letterman, c'est sur CBS. À Jay Leno, demain soir, mardi, Joan Jett and the Blackhearts. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça bien. C'est kitsch. Weezer est à Carson Daly. Ça, c'est en fin de soirée à 1h30 sur NBC, mais Weezer, demain. Sinon, on saute à jeudi, encore une fois à Broken Bells, mais cette fois-ci à Jimmy Fallon. Ça, c'est à 1h30 sur NBC. Et puis, vendredi, Vampire Weekend, encore une fois. Et là, ils sont à Jimmy Fallon aussi. Donc, c'est à 1h35 sur NBC. Et puis, sur Saturday Night Live, ça, c'est samedi soir à 23h30. L'invité musical, c'est Pearl Jam, avec comme animateur Jude Law. Donc, émission qui va faire changement de celle avec Zach Galifianakis de The Hangover, qui était l'animateur de SNL samedi dernier, qui était hallucinamment drôle. Hein. Il est tellement drôle, ce gars. Est-ce que tu connais Zach Galifianakis? Non. T'as pas vu The Hangover? Moi non plus. Non. C'est le gars avec la barbe. Là. OK. Il est vraiment cool. Ouais, ouais, OK. Bref, ouais, c'est, quand pour même, les c'est quand même étonnant, Pearl Jam. J'imagine qu'ils doivent sortir peut-être un album. C'est souvent le cas hein, quand on entend des monde qui sont pas, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Comme tantôt, tu disais Ben Harper. Moi, c'est la deuxième fois là, récemment, dans les dernières semaines, mois, que je le vois comme ça en performance dans un show de fin de soirée. Mm-hmm. Et tu vois, ça annonce justement... Tu sais, quand quelqu'un commence à savoir pas mal, tu dis « Ah, il y a un album qui s'en vient. Ouais. » Et puis Ben Harper sort demain. Un album qui est enregistré, en fait, c'est un album live au Festival de Jazz, au Festival international de jazz de Montréal. Mm-hmm. Ça sort demain, ça. Ouais, et puis son plus récent album qui n'est pas live s'appelle White Lies for Dark Times, qui date de 2009. Voilà pour les talk shows de fin de soirée, Kiwan. Je te dirais que c'est une semaine que je trouve assez intéressante. Et moi, le fait qui me passionne le plus dans les talk shows, les talk shows en général, pas juste de fin de soirée, parce qu'il y en a le matin et plein d'autres endroits aux États-Unis, c'est mardi, à l'émission Regis & Kelly avec Regis Philbin. L'animateur invité va être Andy Richter, le gars qui co-animait le Tonight Show avec Conan O'Brien jusqu'à temps qu'il se fasse sacrer des wow. Donc ça va être vraiment cool de regarder ça. C'est mardi matin, pour ceux qui s'intéressent, à Regis & Kelly. C'est tout. Voilà, donc ça fait le tour des prestations intéressantes, entre guillemets, dépendant desquelles. De la semaine dans les talk shows américains. Et on va peut-être avoir le temps tantôt, Mathieu, pour une petite chronique CNX. On va essayer de faire ça. Ouais. Petite mini chronique. Ouais. Mais maintenant que tu me mets au défi, là, pas game, je vais le faire. Mais on va retourner en musique pour l'instant, entendre un petit peu de Patate Rose, hein, parce que nous, on les aime, les Patate Rose. Bon, en même temps, on pourrait presque dire que ça va être, ça peut s'incorporer dans notre spécial qu'on a débuté au tout début de l'émission. On a débuté un petit spécial dédié à la femme. Uh-huh. Même moi-même, je suis un spécial dédié à la femme aujourd'hui. Ah ouais, comment ça? Ben avec mon allure propre, j'ai pris un bain aujourd'hui. Ah. Puis on pourra entendre un peu de Hôtel Morphée aussi et Tricot Machine qui prépare un nouvel album bientôt. Il y aura juste 10 minutes, le promet pas trop d'affaires. Donc on écoute tout de suite la Patate Rose. Voici Jessie Cock. De ta assemblage requis.